Salut les amis, c'est Sofiane. Alors juste avant de vous laisser sur cet épisode avec T-Web, je voulais juste m'excuser pour le son qui n'est pas au top à certains moments dans l'épisode. On entend pas mal de résonance et tout quand je parle. Alors je précise, je ne suis pas dans des toilettes, je vous promets. Je ne suis pas dans une salle de bain, je ne suis pas dans des toilettes. Au moment où j'enregistre, je suis dans la cuisine d'un appartement de Barcelone où j'étais parti pour jouer fin mars. Voilà, donc entre le deuxième et le troisième confinement, j'étais parti jouer là-bas sur le plateau des petits Barcelonais. J'en profite pour saluer Nicolas et Rémi qui s'en occupent. Voilà, donc j'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui T-Web. Salut, ça va ou quoi, Sofiane? Ça va super, merci et toi? Tu vas bien? Tranquille. Super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, tu veux que je commence par laquelle en fait? Il y en a. Je pense que la pire et la plus marquante et celle qui m'a le plus traumatisé pour moi, c'est la première parce que c'est ma première scène. Donc, première fois que je monte sur scène et tout. Donc, à ce moment-là, je joue avec des amis dans une petite gare pas loin à Bruxelles, en dessous des trains, tu sais, ça tremble de partout et tout. Et on prépare le truc pendant un mois. Et moi, le jour du spectacle, tu sais, j'ai fait une erreur que tous les humoristes ne devraient pas faire, et je le dis aujourd'hui. Il ne faut jamais mettre de bloc-notes sur scène, tu sais, sur un tabouret, sur un truc, avec les mots clés du spectacle. Okay, je sors de scène, on fait le test micro, tout se passe bien, on m'annonce, je monte première scène, hein, j'ai les mains moites, je tremble de partout, palpitations incroyables. Je prends le micro, je commence à jouer, mais vu que je sais qu'il y a le pense-bête en bas, je le check. Ah. Alors que je maîtrise, hein. Et qu'est-ce que je vois? Un pense-bête d'un autre humoriste au-dessus du mien. Frérot, le sketch le plus rapide, Usain Bolt, ça a duré 30 secondes. Voilà, et je crois que j'ai même fini avec une insulte que je ne vais pas dire par respect pour les gens qui nous écoutent. J'ai fini par péter un câble et j'ai tapé le micro par terre et je suis sorti. Et il y avait des humoristes autour de moi qui me disaient « Écoute, je crois qu'il faut attendre 2-3 mois avant que tu remontes pour te faire un peu oublier. » Et puis j'ai dit « Non, le mois prochain, je veux être là. Je m'en fous. Tu » sais. Et ça, c'était une galère de ouf parce que le pire quand tu foires une scène, c'est quand tu entends dans le public « Pauvre Husky. » Je crois qu'il s'est trompé de métier. Ah, comment ça fait? Et c'est une petite scène, tu sais, on est 30. Oui, on entend tout. Ah ouais, ça m'a fait mal. L'ego, il en prend un coup. Moi, j'étais éclaté. Je crois pendant 3-4 jours, je mangeais pas et tout, parce que c'est un rêve de gosse. C'est ma première scène. Et j'étais très jeune aussi. Je crois que j'avais 18 ou 19 ans. Et je la foire même pas comme il faut, quoi. Je la foire pas, genre ma vanne, elle passe pas. C'est que je la foire parce que j'ai un trou de mémoire. Et aussi, une erreur technique. Je les faisais mal. Et le pense-bête et tout. Ouais, enfin, bref, c'était super, super difficile. C'est pour ça que je préfère te le dire à toi, parce qu'il y a peut-être des humoristes qui nous écoutent. Le pense-bête, il faut le jeter, il faut étudier son texte par cœur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est... Même pas dans la poche, parce que même si tu sais quand il est dans la poche, tu réfléchis. Oui, t'as tendance à te reposer sur lui, quoi. Ouais, voilà. Non, mais je vois. Moi, après, je pense que le pense-bête sur scène, tu vois, moi, je vois plus le cahier et tout. Je pense que là, ça passe uniquement quand c'est un humoriste connu qui fait un rodage, tu vois. Parce que tu vois, les gens, ils viennent en mode t'inquiète pas, c'est un brouillon et tout, tu vois. Ils viennent en mode rodage, ils disent aux gens, regardez, j'ai mon cahier de vanne, on va les faire ensemble. Ouais, bien sûr. Et après, voilà. Et après, le mec, genre, à chaque fois qu'il fait une vanne, il valide, il barre, il met une croix, ouais, il met une note. Exactement. Mais ça, je l'ai fait, hein, par après, attention. Hein. Ouais, ouais. Oui, mais je veux dire, quand c'est ta première scène ou quoi, c'est un sentiment de, je sais pas, il faut avoir une certaine confiance et une certaine validation du public, peut-être, pour faire ça, tu vois. Exactement. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ok, et je comprends la souffrance que tu as dû ressentir parce que. C'était très dur. Ben oui, faire sa première scène, c'est dur, et vivre ça pendant sa première scène, c'est encore plus dur. Mais c'est une leçon que, pour te dire, pour tout te raconter, juste à côté de chez moi, tu sais, j'habite pas loin d'une gare, on parle beaucoup de train. Hein. J'ai terminé chauffeur, moi, à la SNCF chez vous. Il y a une gare pas loin de chez moi, il y a un endroit où t'as une vue sur les trains, tu sais, quand ils passent et tout. Et depuis ce traumatisme, parce que j'appelle ça un traumatisme, je répète mon sketch là-bas le soir à haute voix pendant que les trains passent. Parce que je me dis, si tu arrives à connaître ton texte devant des trains qui passent et qui font du boucan, sur scène, c'est à l'aise, tu vois. D'accord, ok. C'est une leçon. J'en tire beaucoup de, de choses positives. D'accord. Et du coup, maintenant, tu joues que dans les comédie clubs en bord de gare. Il y a toujours une gare pas loin, moi. Je suis très gare. Voilà. C'est bien. Et genre, les gars, ils te regardent et tout avec le micro. Genre, bah vas-y, joue. Et tu dis, attends, le train, il n'est pas encore là. Attends. Ouais. Non, mais des fois, même pour me motiver, dans mes écouteurs, je mets des bruits de train. Dans les coulisses. Écoute quoi comme son PNL? Non, SNCB. Non, non, des trains, frère. Le train, là, le 4800, tu sais, celui de 18 mètres, terrible. La locomotive en 1945, incroyable. De ouf. Non, mais c'est bien, tu sais. Il y avait Fedo qui faisait jouer ses comédiens avec un métronome. Ok. Donc, toi, ton timing, c'est pas le métronome, c'est le train, tu vois. T'es plus proche du métro que du métronome, quoi. Franchement, toute technique est bonne à prendre. Tu sais, il y a des humoristes, avant de monter sur scène, ils vomissent. Tu sais, genre. J'en ai vu ça. Hein. Moi aussi, j'ai les mains moites. C'est le stress. Il y en a, ils vont vomir. Il y en a, ils vont aller aux toilettes. Ils vont. Voilà. Il y en a, ils vont presque limite. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais faire des blagues, c'est dur. C'est pas des blagues de faire des blagues. Mais c'est ça. L'humour, c'est sérieux, tu vois. Exactement. C'est plus que sérieux. Pour moi, ça reste la discipline artistique la plus compliquée que tu peux voir. Je veux dire, un chanteur, même s'il chante mal, même dans The Voice, il ne se retourne pas. Merci pour la prestation, bonne soirée. T'es pianiste, tu joues mal, allez, c'est pas grave, il a quand même fait le truc. Un humoriste, tu montes sur scène, tu dois me faire rire dans les 30 secondes. Ouais. Sinon, il y a un malaise. C'est vrai. Il n'y a pas un truc comme nous. Il y a pas... Slam, on s'en fout. Personne. À part la boxe. C'est tellement dur. La boxe ressemble beaucoup au stand-up. Parce que tu prends des patates. Ouais. Ah, c'est ça. Mais moi, j'ai vu, j'en parlais encore avec un pote là. Il y a des humoristes, des fois, qui sont tellement stressés que des fois, genre, tu sais, ils font comme un malaise vagal un peu, tu vois, avant de monter sur scène ou quoi, tu vois. C'est dur. J'en ai vu. C'est moi, je crois, il y a un soir, le soir où ma mère est venue me voir. Ouais. Ce soir-là, pour te dire, j'ai joué au Cirque Royal. On a fait ça avec Abdel en vrai, David Oupa, ouais. Samaf, enfin bref, des mecs de BX. Donc on a organisé ce truc, on l'a rempli et on a invité nos familles. Et la première fois, moi, je voulais ramener ma mère depuis longtemps, mais je ne pouvais pas la ramener dans des comédie clubs tout serré, tout petit, éclaté, avec des mecs bourrés et tout, tu vois. Ouais, tu voulais aussi une vraie scène, quoi. Voilà, il faut que je la ramène dans un truc prestigieux pour qu'après, elle puisse se dire, ok, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très fort dans les études, mais... Hey, Cirque Royal, frérot, tu vois. Et je la ramène là, et moi, je me suis dit, calme, ma mère, elle est sur le côté, je ne vais pas la voir, tranquille, tu vois. Ouais, ouais, sauf que tu pensais que ça... Je suis dans les coulisses du Cirque Royal, je check, et non, mon frère m'envoie un message, il me dit, maman est au troisième rang. il te l'a localisé. Et je dis à tous les humoristes qui sont en train de stresser pour monter sur scène, on voit le troisième rang. Et tout le monde me dit, ouais. Il n'y a pas un qui m'a genre dit, non, attends, je ne crois pas. Tout le monde m'a dit, on le voit de ouf. Et donc je suis monté comme un aveugle, je regardais que le ciel. Je voulais pas croiser ma mère. Et alhamdoulilah, c'est super bien passé. Et après ouais, ça, elle a validé le projet, quoi. Mais c'est bien parce que je pense que c'est très très dur de monter sur scène quand les gens te connaissent. Moi, si tu veux, j'ai la chance d'avoir commencé à Bordeaux parce que moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base, tu vois. Et okay. je suis parti m'installer pour le travail à Bordeaux. Moi, je suis chauffeur de bus dans l'équivalent de la tech. Excellent, la STIB chez nous à Bruxelles. D'accord. Que tu kiffes Liège, mais chez nous, c'est la STIB. Bah, j'ai l'habitude de dire l'équivalent de la tech, les gens comprennent, tu vois. Mais j'ai compris, mais c'est juste que faire de la pub pour la STIB. D'accord, mais il y a comme l'autre Bruxelles, donc il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Du coup, 3 euros, non, je rigole. Ouais, bah bien, c'est bien. Du coup, on voit que t'es pas passionné que par les trains. Non, je suis passionné par tout ce qui est sur les rails. Transport en commun, tout ce qui est transport en commun, c'est en bien. En général, j'adore le concept. D'accord, mais c'est bien. Bah du coup, t'es tombé sur un chauffeur de bus, donc c'est pas mal quand même. C'est cool. Je te raconterai. C'est quoi, on fera galère de chauffeur de bus si tu veux après. Avec plaisir. Mais tu sais que j'en parle sur scène. Quand je monte sur scène, je raconte des anecdotes de ouf, des trucs qui me sont arrivés réellement. Et je suis tellement content de ces blagues-là parce que c'est des blagues, j'ai rien modifié. J'ai raconté la vérité et les gens sont morts. Moi, je pense que c'est le secret du stand-up. C'est quand je pense pour moi, après, j'ai commencé comme tout le monde à faire des blagues sur le bled, sur le cousin un peu qui a un accent, des trucs, le mec du quartier qui sait pas bien parler. Par sécurité, parce que tu as peur au début, tu vois. Et à un moment donné, tu te dis, bon, je vais aller chercher un peu plus loin, je vais essayer d'écrire des vrais trucs. Et en fait, les vraies choses qui font rire le public doivent te faire rire d'abord toi. Et qu'est-ce qui te fait rire à part des anecdotes ou des choses que tu as vécues? Après, je ne dis pas qu'il faut maquiller le truc, il faut le rendre accessible à tous. Mais quand c'est sincère, Ça marche parce que le stand-up, pour moi, c'est un synonyme de sincérité. C'est pas comme le théâtre. Tu comprends ce que je veux dire? Le Oui, bien théâtre, sûr, bien par sûr. exemple, quand tu montes sur scène ou tu joues un truc, tu interprètes un personnage qui n'est pas le tien. Le stand-up, c'est Oui, toi. tu es caché. Tu es Tu caché es derrière un caché. personnage Le alors que là, stand-up, il n'y a pas. c'est le théâtre, Voilà. c'est le théâtre qui fait de toi le spectacle. Le stand-up, c'est toi le spectacle. On vient de voir Tu toi. En vrai, même es. s'il n'y a pas de titre, on s'en fout. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut se servir de ce qu'on a. Et donc, je te disais, la chance que j'ai, c'est que Ouais. comme je suis chauffeur de bus, donc je suis parti après à Bordeaux et tout, la chance que j'ai, c'est que j'ai commencé le stand-up dans une ville où je connaissais personne. Donc Ah voilà. ouais, mais c'est ce que je Et voulais aussi oui. au Canada, moi. C'est exactement comme toi. Je te Mais jure. c'est ça. Je voulais faire ça aussi au Canada il y a quelques années de ça. Je voulais aller au Canada pour. Je faisais déjà de la scène, mais je voulais oser des trucs. Je voulais vraiment me mettre en sortir de ma zone de confort. Tu sais, les trucs un peu développement personnel, je sais pas quoi, tu vois. Et j'oublierai jamais, il y a un humoriste, je pense, je sais plus qui c'est, je pense que c'était Verino, je sais plus, Ouais. qui m'avait dit ou qui m'avait écrit. Non, qui m'avait écrit. Commence par être roi chez toi avant d'être roi chez les gens. Ah. Et j'ai aimé cette phrase en fait parce que c'est vrai que tous les humoristes commencent d'abord dans leur quartier ou quoi. Je dis pas que toi t'aurais dû commencer à Clermont-Ferrand, c'est parce que toi t'as dû déménager, tu Oui, comprends? voilà, moi je ne suis pas parti, je ne suis pas parti pour faire Je ça, sais, pour m'éloigner, je c'est sais, juste que voilà, mais là ça j'étais devient chez là-bas. toi petit à petit, mais bien sûr que c'est beaucoup mieux quand tu commences le stand-up. Et il y a des comedy Oui. clubs à Bordeaux? Ben, on a monté notre scène qui s'appelle le Gavestyle tous les jeudis. Donc, on a à peu près 80 personnes. Bon, quand il n'y a pas le Covid, hein, évidemment, on a 80 personnes qui viennent pour passer un bon moment et tout. Et il y a une bonne ambiance, tout ça. Donc, C'est on a cool. monté ça en 2013 parce qu'il n'y avait rien avant. Ah ok, ouais, c'est ce que je me suis dit, parce que j'ai jamais. Enfin, je pense que je connais pas des humoristes de Bordeaux, ou peut-être pas, ou ils sont tous sur Paris, mais ouais, c'est pour ça que je connais pas de comédie club ou d'endroit à Ben, Bordeaux. il y en Faudrait que tu a. nous invites, hein. Ben avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. En plus, les Belges, vraiment, quand je connais l'ambiance de votre public, je peux te dire qu'à Bordeaux, vous allez kiffer parce que le public est tout aussi généreux, tu vois, ils sont vraiment bien. Bon, Ouais, mais chez en nous, fait, tant que c'est pas Paris, tout le monde est gentil, quoi. Oh, alors oui, il y a de grandes chances que ce soit le cas. C'est vrai que Paris, bah, c'est pas qu'ils sont pas gentils, je crois que c'est juste de Non, mais c'est pas qu'ils l'exigence, sont en fait. gentils, c'est qu'eux, ils ont C'est l'habitude de l'humour, ils ont ils ont l'habitude tellement du l'habitude. stand-up. Voilà, j'ai l'impression que c'est une espèce de comment dire, de contrat entre les gens et l'artiste sur scène, en mode, écoute, ce soir, il y avait, je sais pas moi, 400 spectacles disponibles. Si je t'ai choisi toi, c'est que tu as intérêt à être bon, tu vois. Et ils ont, Je crois que et tu veux ça, et ils ont raison parce que, et comme je dis, enfin comme je l'ai dit à plein d'amis ou même toi, on se l'est dit là tantôt, Paris pour moi ça reste le meilleur endroit parce que de temps en temps beaucoup d'humoristes disent ouais le public belge il est incroyable, et c'est vrai que le public belge est incroyable, que le public peut-être bordelais, que les Lyonnais sont bien, etc. Mais Paris, ça c'est pour moi c'est comme si tu allais à la fac pour un Ben, stand-upper, tu vois, c'est moi, je pense obligé que de passer par là. Paris, c'est un peu comme la salle c'est un peu comme la salle du temps là dans Globe Z, Exactement, tu sais. Voilà, tu exactement. vas là-bas, tu vas t'entraîner à fond et tout machin, et puis tu reviens Et tu quand tu apprends vas des jouer en choses, parce que performance quand tu joues et dans un t'apprends beaucoup endroit où tu de sais que choses. le public est bon, tu sais pas forcément si ta blague, elle est vraiment drôle, tu vois. Ah Alors non, qu'à mais c'est ça. Paris, ouais, Si tu peux un tu joues peu. à Paris, voilà. Si t'es validé par le public parisien, tu as de grandes chances d'être validé par tous les Et autres c'est pour publics. ça que c'est bien que le public parisien ne soit pas gentil. C'est pour ça que j'ai dit ça au début. C'est très bien qu'ils ont ce côté parisien un peu. Ouais, mais Moi, comme tu as je dit, pense qu'il là, je reste t'ai quand même. choisi toi, j'ai payé ma place ou j'ai pas payé, Ouais. mais bref, je veux te voir toi. Et Oui, j'aime voilà, beaucoup je comprends. cette vision Mais que tu ils retrouves ont un une peu en place. Amérique, en fait, à New York et tout, tu vois. Dans les grandes Bien villes de sûr. stand-up, tu peux retrouver ça, le même Ben, type de public. c'est là où il y a beaucoup de choix, en fait. Les gens connaissent, ils ont vu des mecs, tu vois, à New York, par exemple, dans un comedy club, tu peux très bien tomber sur Dave Chappelle qui teste un nouveau morceau ou quoi. Ben voilà, quoi, je veux dire, donc le mec derrière qui arrive, ben, il a intérêt à être bon, quoi. Exactement, C'est exactement. comme ça. Mais tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tu dis, genre, le public, tout ça, genre, ils vont être durs et tout, donc c'est bien, ça va nous entraîner. C'est vrai que c'est très bien, mais en l'occurrence, c'est ça le souci quand tu joues devant des gens que tu connais. Je pense que c'est mieux de commencer devant des gens que tu connais pas. Tu peux aller dans ta ville à toi, hein, c'est pas un problème, mais juste, faut pas jouer que devant ses amis, tu vois. Tu peux jouer devant eux, évidemment, mais faut pas jouer que devant eux, parce que C'est très les amis, difficile de t'as faire trop rire de... ses amis, moi, je trouve, hein. Mais ça dépend en fait. Tu as autant les amis qui vont être durs avec toi parce qu'ils te connaissent à fond. Ils vont Voilà, dire, moi je te parle de ces amis-là, hein. C'est ça pour moi de ces genre, amis. voilà, il y a ça. Mais tu as aussi l'inverse. Tu as aussi genre, oh, il fait du stand-up et tout. Tu sais, genre, ils vont vouloir te soutenir et ils vont Ouais, rire je vois. tout. Ils vont rigoler à tout, tu vois. Et C'est c'est pour vrai. ça que moi, j'étais content d'avoir joué que devant des inconnus au départ parce que comme ça, je savais que quand les gens rigolaient, c'était sincère, tu vois. Ouais, t'étais vraiment en mode. En mode sincérité, quoi. Le public, il est sincère là, en face de toi, ils te connaissent pas, c'est cool. Mais Voilà, ça, c'est voilà. top. Et après, la première fois que j'ai joué devant mes parents, vraiment, j'étais fier de leur présenter un produit que j'avais déjà testé plusieurs fois et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que si je leur avais montré quand c'était encore vert, j'aurais eu peur qu'ils rigolent pour me faire plaisir, tu sais, genre, oh, c'est notre fils, on Mais l'aime et tout, après, tu c'est vois. ça aussi la magie du stand-up, parce que je pense que tu le sais. Mais même un petit 3-4 minutes de matos qui fonctionne bien, que tu as cartonné un peu partout et tout, il y a des soirs comme ça où ça opère pas, où il y a un truc, où tu as mal joué un truc, et du coup, ça prend pas comme d'habitude, et tu le ressens. Alors que tu te dis, mais là, il y a quoi? Et tu commences à te dire au début, directement par sécurité, ouais, c'est un problème du public. Mais en fait, si tu décortiques et que tu te filmes, tu vois qu'en fait, tu étais plus mou. Ouais. Quand tu es trop confiant d'un sketch, souvent, tu sais, tu le. Comment dire? Tu le. Tu le Tu dis, vends, bon, ouais, celui-là, bien je le sûr. connais, ça va. Ouais, Mais en fait, il y a tu des le vends soirs, moi, ça pas. m'est déjà arrivé de jouer des trucs que je me dis, là, je vais cartonner. Et Ouais. franchement, c'est pas ouf. Tu Mais vois? tu le vends pas assez sincèrement, et Je du le coup, les vends gens pas le sentent. sincèrement parce que je suis trop confiant. Tu vois, je me Voilà, c'est repose ça. sur mes acquis, ça marche pas. Ça, c'est un grand classique. L'excès de confiance, c'est ce qui te flingue tes passages, c'est sûr. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, quand tu m'as dit, je suis monté sur scène devant mes parents avec. Moi, je suis déjà monté devant des potes avec un sketch rodé et tout. Je leur ai dit, les gars, venez, vous allez kiffer. Et ils viennent, etc. Et puis, je monte sur scène, je fais mon truc et c'était plat, quoi. Alors que c'est un Oh truc qui putain, marche, tu vois. c'est Et puis, dur quand ça. j'ai vu la vidéo, j'ai vu qu'en fait, j'étais pas. Tu Ah vois, ouais, j'étais pas dedans, t'étais. j'étais trop confiant. Tu te Tu sentais un vois? peu en terrain conquis, quoi. Ouais, et c'est ce qui. Il faut toujours, toujours, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça. Et moi, c'est ce que je kiffe dans ce métier, c'est que t'es jamais sûr, quoi. C'est toujours le. T'as toujours toi-même, tu sais, quand tu joues même un passage que tu maîtrises depuis 10 ans, tu as toujours cette boule avant de monter sur scène. Tu dis, j'espère que ça va passer. Est-ce que public, bon, est-ce que. Alors que tu le joues, tu sais que plus ou moins, bah, c'est bon, tu vois. Tu es un peu Oui, plus confiant, ça a tu as un peu été. moins les. T'as un peu. T'as pas trop les mains moites, mais tu as quand Ouais, t'es même tout le comme. temps ce Tu te truc demandes. que. Il y a une alchimie. Il y a une alchimie entre toi et le public. Est-ce que l'alchimie va se faire ou pas, tu vois? Exactement. C'est pour ça que c'est pas une science exacte, c'est pas genre. Ah non. Tu vas chanter la musique de Christophe Maé et les gens vont répéter après, tu vois, le refrain. Ça n'a rien à voir, hein, frérot. Là, tu montes sur scène, c'est pas drôle, les gens ils rigolent pas. Ouais. Ah non, mais je comprends tout à fait. Et c'est vrai que c'est une science totalement inexacte, tu vois. Et c'est ce qui fait la magie de ce métier, en fait. On le dit souvent, on l'a déjà dit dans le podcast et tout. Le stand-up, je crois que c'est la remise en question permanente. Tout le temps, tout le temps. Franchement, moi, c'est ce que j'aime bien. C'est un métier tellement arrogant parce que tu es quand même tout seul sur scène. Tu prends un micro, tu es Ouais, dans c'est un un métier théâtre d'ego. qui peut faire 50 places comme 500 places, 5000 places. Monter sur scène tout seul et faire un sketch. Et il faut avoir vraiment de l'assurance. Donc, quelque part, tu es un peu en mode puissance, confiance. Mais en même temps, tu fais un métier où ton ego, tu dois le mettre de côté parce que tu sais très bien que dans les 30 secondes, si c'est pas drôle, ça fait mal à l'intérieur. Ouais, Et ça totalement. rejoint ce que tu es en train de dire par rapport à la remise en question, etc. Donc, tu as tout à fait raison. Ben, je pense que quand tu cartonnes, en fait, ton ego est surgonflé et du coup, tu voles, quoi. Et quand tu prends un bide, ça fait tellement mal, ça fait mal jusqu'au plus profond de ton âme et tu te remets en question, tu remets en Et question c'est ta bien vie. parce que ça équilibre la jauge de l'ego, en fait, tu vois. Ah, mais totalement. Ben, si tu veux, c'est le métier, contrairement à quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, un comptable ou j'en sais rien. Un comptable, s'il réussit un contrat, on va dire un contrat de ouf, il réussit à choper un truc, genre il chope une bonne prime et tout, il va être content. Mais il ne sera pas aussi content que nous quand on monte sur scène et qu'on cartonne. Et dans l'autre Ouais. sens, quand il va planter son boulot total, il ne sera pas dans les mêmes états, dans les mêmes bas-fonds de l'âme dans lesquels nous on se trouve quand on bide. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Nos high, tu vois, ils sont beaucoup plus high que tout le reste. Et nos low, ils sont beaucoup plus low que tout le reste. Bien Tu vois? sûr, exactement. Eh C'est oui. pour ça que je te dis, c'est un métier un peu égoïste. Tu sais, par exemple, moi qui faisais du théâtre, j'aimais pas le théâtre quand j'étais jeune. Je voulais faire du stand-up depuis très jeune. Mais bon, il n'y avait pas ça en Bruxelles, en Belgique en tout cas. Ou en tout cas, il n'y a pas d'infrastructure visible et connue, reconnue pour pouvoir aller faire ce genre de truc. Ou alors, faut connaître un tel, faire la bise à monsieur, enfin bref. C'était pas très disponible, il n'y a pas de scène ouverte le mardi comme à Paris ou ailleurs. Et du coup, moi, je faisais du théâtre, mais ça me saoulait, tu vois, du coup, parce que moi, je voulais toujours pas prendre de la place sur scène par rapport aux blagues ou quoi, mais j'étais tout le temps là en mode, putain, je suis sur scène, je peux profiter pour tout le temps faire rire. Mais quand tu es dans une pièce de théâtre, tu peux pas tout le temps faire rire. Il y a des moments où, voilà, il y a de l'émotion, tu sais, il y a des larmes, il y a ci, il y a Ouais, ça. y a plusieurs palettes, toute une Et palette d'émotions. Ouais. exactement, et tu as le metteur en scène en face qui te dit. Frère, tu prends trop de place, va faire du stand-up. Mais j'aimerais bien, mais il n'y a pas. Et en fait, quand tu dis tu prends trop de place, c'est comme si tu disais espèce d'égoïste. Parce que si tu prends trop de place, c'est que tu bouffes la place des autres. Ouais. Après ça, on Voilà. le voit surtout dans les dans l'impro, tu vois, ceux qui font de l'impro et tout. Ouais. Quand tu les sens partir, dès qu'ils sentent qu'ils ont chopé le public sur un truc marrant, ils vont continuer dessus, quitte à oublier les autres dans l'équipe et tout. Je crois qu'ils appellent ça d'ailleurs le cabotinage ou un truc comme ça. Après, je dis peut-être n'importe quoi, hein. Je sais que ça fait partie de l'impro et tout. Je crois que c'est le cabotinage, genre quand en gros tu veux juste placer tes vannes, quoi. Tu vois, genre tu trouves une vanne, tu veux la placer, tu sais. Sans penser au bien-être de l'improvisation, du groupe, quoi. Tu penses qu'à ta gueule, entre guillemets, t'as pensé à un truc, C'est tu veux le exactement ce balancer. que j'avais à l'âge de 16-17 ans dans le théâtre. Bah après, je pense que si j'avais fait du théâtre classique, j'aurais eu le même problème que ça. Moi, je Non, suis même arrivé pas. Moi, sur j'ai fait du scène tard, quoi. théâtre comme toutes Ouais. les maisons de quartier ont fait, Ouais. mais sauf D'accord. que vu que j'étais le comique du groupe, le metteur en scène voulait me voir dans autre chose, tu vois. Il me parlait un peu comme ça, avec D'accord. les yeux un peu plissés, tu vois. Il me disait, ouais, je vais te voir dans autre chose là. Et Ouais, il donc, il voulait me donnait des rôles un peu bizarres et des tout. rôles à contre-emploi, quoi. Et je disais OK, et le jour du spectacle, je changeais complètement le texte et je mettais que des blagues partout et ça le rendait Oh, malade. Et moi, j'avais mes rires et je rentrais chez moi, tu vois. c'est bien ça, c'est bien. Est-ce que tu as vu en stand-up le metteur en scène? Écoute, je sais pas parce qu'il était très vieux quand même. D'accord. Je sais pas, je pense que là, surtout avec la pandémie, Oh mon Dieu. je pense pas que le spectacle, c'est ce qu'il a envie de faire là maintenant, là. Tu vois, D'accord. Bah, écoute, on non, espère qu'il va c'est de bien. l'humour On noir. espère C'est pas qu'il. ma spécialité, attention. Ça se voit, je Y a pas crois. de. Ok, bah, écoute, merci beaucoup. Tu avais une autre anecdote, je crois? Ouais, j'ai une anecdote en fait que j'ai vécue, je pense, avec David ou pas, parce qu'on a écrit Oui. un. Il t'a raconté, je pense, un Il two-man m'a show. raconté, oui, le Two Man Show, Le l'arnaque fameux du two-man siècle. show. C'est pas, ouais, c'est pas une arnaque, c'est juste qu'on a entendu qu'il y avait un comedy club qui ouvrait. Et le patron, il nous kiffait, parce que je pense qu'il nous avait vu sur scène, ou je sais plus trop. Ouais. Mais il fallait passer par le manager des soirées. Et lui, par contre, c'était quelqu'un de très sérieux, avec des contrats, tout ça, tu vois. Et il vient chez nous, il dit, OK, vous voulez monter quand? On dit, ben là, quand vous ouvrez. Il dit, on ouvre dans un mois. On dit, ouais. Et puis, il dit, vous avez un spectacle? Et là, David, je crois que c'est David qui dit, ouais, on a un two-man show. Et Oui, là, je le oui. regarde, je dis, ouais. Et on a signé un truc, tu vois. Bien évidemment, quand je dis l'arnaque du siècle, je ne parle pas de la qualité de votre travail. Hein. Ça n'a rien à voir, évidemment. Non, Mais je veux bien dire, sûr. Ouais, c'est le c'est mensonge du l'arnaque, si tu siècle. veux. Voilà, c'est le mensonge du siècle. C'est en mode, oui, on a un spectacle, on a un two-man, alors qu'en fait, c'était un 30-30, quoi. Exactement. C'était un Vous avez, 30-30 avec des si tu veux, passages vous voilà. ensemble. Et il a vite remarqué la supercherie, mais il se disait, bon, tant que le public y kiffe, je m'en fous, tu vois. Voilà, tant que ça marche, c'est le plus important. Non, mais Mais il c'est. y a un soir, Sofiane, Ouais. je crois qu'on avait joué à jeudi, vendredi, ça s'est super bien passé. Genre, il y avait du Ouais. monde et tout, les gens, ils rigolaient. Et genre, il y a un samedi, on a genre 4 réservations Ouais. dans une salle qui peut accueillir, je crois, 70, c'est 70, Ouais, 70 70, ouais. personnes. Et Ouais, vous êtes quatre le mec, il personnes. vient chez nous, il dit, allez-y, les gars, vous avez cartonné 2 soirs. Et on ne voulait pas le Oui. laisser dans la merde, tu vois. Parce que c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, il m'avait raconté ça. Il m'avait dit que le patron vous avait dit, tant que le public est plus nombreux que vous, vous jouez. Ouais, c'était une phrase mythique. D'ailleurs, s'il écoute ce podcast, Gabriel, je te passe le bonjour. C'est un super mec. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Ça nous avait tellement fait rire, on a dit, vas-y, on accepte. Et on monte sur scène et on fait nos trucs. Et moi, je fais mon sketch. Mais tu sais, en plus, dans ce sketch-là, je crie. Et quand tu cries qu'il y a quatre personnes et qu'il n'y a aucun rire, t'es seul. T'es très, très seul. Et à un moment donné, il y a ta fille qui monte. On attrape des fous rires, ça part en sucette. Et à un moment donné, au milieu du truc, j'arrête parce que tu sais, je commence à transpirer, j'en ai marre. Et j'ai dit, excusez-moi, vous aimez pas vous? Parce qu'il nous regardait en mode comme si on était une sculpture, tu vois. Genre, il était au musée, le mec, il s'est trompé d'endroit, tu vois. Et il me dit, sorry, I speak English. Je lui dis, OK. Et je lui dis, et je vise la femme à côté, elle me dit, yes, I'm from London. Et en fait, c'était un groupe de touristes anglais qui est venu manger parce qu'ils ont kiffé le menu, mais ils savaient pas que c'était un D'accord. comedy club. Et je crois David a continué en anglais ou un truc comme ça, je sais plus. Mais je Ah, sais il a que réussi. heureusement que j'avais arrêté le truc au milieu parce que c'était trop long. D'accord. Il a réussi à les choper quand même, en David, je anglais. pense, ouais, David, il a un niveau d'anglais qui est plus fort que moi. D'accord. Après, ils avaient un ami qui parlait un peu français, mais qui comprenait pas les blagues parce que tu sais, il comprend pas le délire, tu Voilà, vois. ouais, il y a du sens figuré, il y a des jeux de mots, il y a. Ouais, c'est compliqué. Exactement, tu vois. Et On oui, a joué à un d'accord. moment donné un passage sur les feux de l'amour, mais bon, ça, en Ils ont français. pas la référence, ils ont pas la référence. Ah Ouais, oui, voilà. d'accord. Je comprends, oui. Après, ouais, peut-être que tu as bidé aussi parce que le train n'est pas passé à la bonne heure aussi. Non, là, ben, je te jure, ça s'appelle le comicar, c'était très loin de la gare, c'est pour ça. J'avais pas mes ondes positives. Mais à côté, oui, tu n'avais pas le train qui passe comme ça. Exactement. C'est peut-être les vibrations, c'est des rails qui se Ouais. qui se propagent à travers le sol et qui font vibrer les spectateurs. Et du coup, ça fait vibrer leur diaphragme et ça les fait rire, tu vois. C'est Ouais, pas. voilà, je sais pas. Faudrait que je cherche par rapport à ça. C'est pas. Après, les mecs, Écoute. ils ont pris le train pour venir. Donc, quelque part, il y a encore le train dans l'histoire. Ah, il y a quelque chose. Il y a un petit truc. J'avoue qu'il y a un Il y a petit un petit truc. truc, Bah, tu sais ouais. quoi? J'imagine qu'on te retrouve bientôt au Café de la Gare à Paris. J'espère, ouais, pourquoi pas. Je joue partout, moi. Moi, tu Ce me serait retrouves génial. partout. Oups, et pourquoi tu te prends la tête? Joue dans le train directement. J'y pense d'ailleurs, hein, tu sais, là, Mais sur la route tu sais que entre ça. Bruxelles et Paris, ça me fait une scène en plus. Mais de ouf, tu joues dans le Et Thalys. en même temps, je fais contrôleur, comme ça je gagne un peu plus ma vie, Regarde. quoi. Parce que bon, ils mourissent, c'est pas trop la folie, quoi, tu vois. Bien sûr, tu vois. Et puis les gens, voilà, je veux dire, tu leur demandes de te payer, et puis il y a une petite partie, une petite contribution au spectacle, plus une petite contribution pour les fraudeurs et tout. Ce que tu fais, tu joues pour les. Non, mais tu joues pour les fraudeurs uniquement. Tu vois? Alors, si vous avez Un fraudé, spectacle pour les fraudeurs, c'est qu'on va voilà. Mais payer à c'est droite. ça, parce que du coup, tu leur dis, écoutez, vous avez fraudé, maintenant, si jamais je bide, vous l'aurez mérité, tu vois, c'est pas un problème, ça. Ouais. Et hop, tu joues, et puis voilà, c'est cool, ça peut être bien. Mais tu sais En que plus, c'est au-delà vrai, de tu la sais que vanne. dernièrement, j'ai vu sur Facebook, là, il y a des contrôleurs de train, là, quand ils prennent le micro, ils lâchent Ouais, des bonnes vannes, hein. il lâche des blagues, bien sûr. Mais tu Attention, sais pas qu'il y a. négliger les contrôleurs de train. Ah, mais certainement pas. Mais Ils sont trop forts, hein. au-delà de la vanne, moi j'ai entendu parler de spectacles qui se donnaient dans le train. Mais c'était il y a des années, hein. Ça n'a rien à voir avec le Covid. C'était vraiment il y a des années, je te jure qu'il y avait des humoristes qui montaient dans le train. Et genre, en fait, ça leur permettait de payer leur voyage ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un Sérieux? accord. Ouais, je te jure, en fait, ils étaient payés par la SNCF ou je sais plus, et ils jouaient leur spectacle. Alors, si jamais des humoristes qui ont fait ça écoutent le podcast, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner plus d'infos. Mais c'est vrai que ça m'avait étonné. Genre, les mecs, ils jouaient dans le wagon première classe ou j'en sais rien, tu vois. Et ils Ça, jouaient c'est comme ça ouf. avec un micro et tout. C'est dingue, Après les t'imagines? trains d'époque, là, quand tu vois un peu les films un peu à la James Bond et tout, peut-être que c'était. Il y avait un côté un peu. Il y a un mec qui joue de la harpe, il y a un mec qui joue au violon, tu montes sur scène, hello everybody. Peut-être y a un truc qui donne, tu vois. Aujourd'hui, tu prends le train, il va à Bruxelles, tu peux te faire. Pendant que tu joues, tu te fais racketter. Donc je crois que c'est difficile. Ben c'est vrai, c'est vrai. Faut faire Avant, il y très avait des petits attention à ça. rideaux, il y avait des petits coins privés, c'est un peu à l'Harry Potter et tout. C'est ça. Tu ouvres le rideau, bonsoir, vous voulez des blagues? Voilà, ouais, il y a quelque chose. Alors aujourd'hui, frérot, c'est difficile, hein. Ah, Par contre, aujourd'hui, c'est vous pas avez la payé même. votre ticket? Non, sortez d'ici, clochard. Ouais, donc c'est C'est ça, difficile. c'est ça. C'est difficile. C'est difficile. Ah, Mais et puis après, bon. avec tout ce qui se passe avec le Covid, ça m'étonnerait pas de voir des humoristes jouer dans des trains. Ouais, y en a qui l'ont fait dans la rue, il y en a qui l'ont fait dans des métros, il y a de tout, tu vois, genre, on a vraiment un Moi, je renouveau. respecte ce genre de discipline parce que pour moi, encore une fois, j'ai même moi pour te dire, parce que là, on parle des galères de la scène, une galère dont je te parle, qu'on parle pas, c'est pas les bides, mais c'est des fois, tu joues dans des endroits, frérot, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? On a, comme Oui, c'est pas j'ai adapté à joué dans l'humour, des quoi. salles de mariage avec une soirée spéciale pour la construction d'un puits au Sénégal. Avec tout le respect que j'ai pour le Sénégal et pour le puits, c'est légitime et j'étais pour ce genre de projet. Mais faire des blagues dans une salle où il y a des enfants qui courent, t'as l'impression d'être dans un mariage rebeu. Ouais, Il y a une maman qui passe avec un gros plateau et un aluminium au-dessus qui dit c'est chaud et toi tu fais des blagues. Je pense qu'il y a un minimum de conditions et de considérations. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où bien sûr, bien je sûr. pense qu'aujourd'hui, tu peux. Et il y a certains organisateurs qui ne comprennent pas parce que bah, tu es un clown, mais comment ça? Non. Oui, Tu ben oui. Ils se disent, tu dois être capable de te servir de dois. Bah tout ouais, t'es ça. capable. Attends, et ils rentrent dans ton métier. Hein. Mais attends, mais t'es humoriste ou t'es pas humoriste? Oui, Tu vois, alors. genre, ils provoquent, toi, mais bon, tant Ouais, pis, mais c'est c'est pas ça, grave, ils ne c'est ça. comprennent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui. C'est un art à part entière, c'est plus un truc qu'on joue dans le métro ou dans le train, tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Oui, ces ben gens, et oui, par heureusement qu'ils moment. l'ont fait parce que c'est peut-être grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, mais Oui, aujourd'hui, bien il sûr. faut une bonne acoustique, il faut un bon délire, Faut que les gens soient assis, qu'ils écoutent bien, assis, même s'ils qu'ils ne mangent, mangent pas, voilà, pendant le spectacle, qu'ils ne tu vois. mangent pas. Après, j'ai déjà joué dans des comedy clubs où ils mangeaient, mais le patron a fait attention aux couverts, ils étaient en bois, enfin, je ne sais plus c'était comment, mais tant que ça ne dérange pas, voilà, tu vois, frérot, jouer dans des chichas, c'est pas possible. On l'a fait. Je l'ai Une fait, fois je à l'ai Lille, dans fait. une chicha, je vais pas donner le nom de la chicha, sinon frérot, il va être. Je sais pas s'il va écouter, mais voilà. D'accord. Jouer dans une chicha, tu sors de là, En plus, je fume pas la chicha, moi. Tu vois, Ouais, donc, ouais. tu joues dans une chicha, tu sors de là, tu as un mal de tête, tu sens le pamplemousse fraise, je sais Oui, pas quoi, là. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, Les tu sens goûts la bizarres, pomme. la Hollywood 45, je sais pas quoi. Ça, mais c'est, tu vois, c'est que des mecs énervés avec des Oui, meufs très qui très ont pas. énervées. Et qui Mais ont ça pas. rigole, attention, mais je parle de Ah l'endroit. bon? Ah, Moi, en franchement, tout cas, t'as nous, de la chance. T'as quand on de la est monté sur chance. scène, je pense qu'on avait tous plus ou moins réussi, mais celui qui avait le plus cartonné, c'était David Oupa. Oui? Parce qu'ils l'ont vu, tu sais, je crois qu'il portait même des lunettes ce jour-là, un petit blanc qui monte, et ils ne connaissent Ouais. pas David, parce que David, il a grandi à Saint-Gilles, Oui, c'est un quartier chaud de David. Bruxelles, David, l'avantage qu'il il a, c'est parle que, marocain, vu qu'il est ouais. un marocain, Oui, donc. voilà, bah oui. Et puis lui, il a la double culture maintenant, tu vois, vu qu'il est Voilà. marié avec une femme marocaine et tout. C'est ça, en fait, si tu veux, c'est un peu un infiltré, entre guillemets. Donc, il avait Voilà, ce côté. exactement. David, il est. Il Et il avait est cette monté sur fraîcheur, scène, il quoi. a Il avait tapé cette ça, il a chanté fraîcheur. ça. Et Mais ouais. frérot, jouer dans des chichas, c'est un concept, attention, hein, on l'a fait. C'est Ouais. Moi, j'ai commencé, ma première scène, c'était une chicha. un délire, hein. Je te jure. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'as fait, t'as plus peur, tu vois. Exactement. Mais c'est très, Exact. très dur. Bah, Même franchement, moi respect à vous, j'ai hein, parce voulu que. ici à Bruxelles, la vérité au début, vu qu'on n'a pas toutes les scènes qu'il y a à Paris, je veux dire, on n'a pas de comedy club avec un public averti, etc. On a joué dans des trucs, frérot. On a joué dans des maisons de jeunes où les gens, ils n'en avaient rien à foutre, avec des lasers dans les yeux, dans des Oh. quartiers difficiles, dans des chapiteaux. À Bruxelles, franchement, et je pense que même les gens de province, on est rodés, tu vois. Dans le sens où moi j'ai déjà joué, avant de monter sur scène, il y a un mec devant moi, il était en train de se faire assassiner, quoi. Pas assassiner, genre il avait des lasers dans les yeux, t'es pas marrant, t'es pas Oh, drôle, dégage. Des trucs comme Mskine, ça. non, c'est chaud. Difficile, tu vois, c'est très difficile. Mais tu mets pas des lasers dans les yeux comme ça, enfin, je sais Ah pas. ouais, mais après t'entends le mec de la sécu qui va chez eux, putain, qu'est-ce que c'est mon quartier, tu vois, des trucs comme Ah ça. ouais, d'accord. Ah ouais, on a joué dans des endroits. Je citerai pas le quartier, je dirai rien sur ça, mais. C'est pas. Donc après, quand tu joues dans une chicha, tu dis ça Ah va, non, mais je comprends, je quoi. comprends. Écoute, on embrasse les gens de Molenbeek, hein, il n'y a pas de Non. souci. Il n'y a pas que Molenbeek à Bruxelles, parce que vous, les Je Français, vous connaissez plaisante, plus. évidemment. C'est pour Ah, le il y cliché. a. Tu sais, en France, quand tu dis Molenbeek, les gens connaissent, tu vois. C'est juste pour le cliché, je déconne, hein, évidemment. Bien Je sûr, frérot. connais pas du tout. Hein, Une semaine après, je crois, ce qui s'est passé, tu avais tous les rappeurs français qui disaient: j'ai des frérots à Molenbeek. Molenbeek. Voilà, c'est des gars bien. Pour faire genre, ouais, j'ai de la street crédibilité, Ouais, tu vois. ça, Non, voilà, non, de la non. street cred, Tu c'est passes à ça le Molenbeek, il problème. fait bon vivre. Il y a Ah. beaucoup de thé à la menthe et de date, Mais il y a mais. de tout, il y a de tout, tu vois. Moi, ma vanne, quand je vais en Belgique, en fait, je fais une vanne. Je dis tout le temps, tu vois, je commence et tout. Et je dis aux gens, je suis vraiment content de venir jouer en Belgique et tout. Je me suis renseigné un peu sur votre pays. Et je sais que vous êtes divisé en deux parties, la Flandre et le Maroc, tu vois. Et du coup, et les gens, tu vois, ils déconnent et tout. Tu sais, je rentre pas dans le détail de C'est Molenbeek et vrai qu'il tout, y a tu une vois. forte communauté marocaine. Même moi qui est C'est tunisien, clair. j'ai grandi qu'avec des Marocains. Bah, j'ai grandi aussi avec des Congolais, des Turcs, des Ouais, Albanais et tout. mais il y a une Mais grosse communauté marocaine, surtout à Bruxelles, tu vois. frérot, ils sont 300 000 déclarés. Hein. Ça, c'est ce qui est né sur le territoire. Hein. Oui, c'est Moi, hors je suis sûr taxe, qu'ils hors sont plus taxe. d'un million. Hein. C'est comme les Non, Chinois, les Marocains à Bruxelles. Hein. Il y mais... en a partout. C'est clair. Tu lèves un pavé, il y Après... a 7 Marocains. Mais de ouf, de ouf. Tu vois, Surtout que mais. moi, mais je le dis aux gens, tu sais, je leur dis, je suis désolé pour ce cliché, mais la première fois que j'ai débarqué à Bruxelles, je suis arrivé à la gare du Nord, juste à côté de la rue de Brabant, tu vois. Ouais, bah oui, Donc, enfin oui. rue de Brabant, laisse tomber, je te jure, je me croyais au bled. J'attendais juste le mec, tu vois, tu sais, genre qui vend de la javel dans la rue, Jabil, tu sais, j'attendais qu'il appelle, Ouais, comme ça. clairement. De ouf, de ouf. Il manque Je me juste, sentais comme franchement, chez c'est ce qui moi. manque à Bruxelles, il manque une Vas-y. plage. C'est vrai, Et c'est c'est bon, là, vrai. on sera au bled, il y aura le KLPL, Ah, il y c'est aura vrai. tout. Comme en Tunisie, en Algérie, au Maroc, il manque que Vous ça, êtes tu vois. à combien de kilomètres de la plage, à peu près? Ouais, nous, c'est la mer du Nord. Hein. Pour moi, j'appelle pas ça une plage, j'appelle ça une bouche d'égout, Ouais, mais. Bah attends, tu nages avec des mouettes mortes, des couches, frérot. C'est pas Saint-Tropez, quoi. Donc, j'avoue que c'est pas la on même est ambiance. à quoi? Allez, un bon 2 heures, ça s'appelle Ostende chez nous. C'est Ostende, Ah, d'accord. Ostende, Toulouse. ouais, j'en avais entendu parler. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Non, bah, c'est 2 heures, ouais, on va dire, l'été, pour te faire plaisir une fois, tu peux y aller. Ouais, Ou... non, attention, ouais, la 2 heures, côte ça va. belge, tu nous retrouves tous là-bas en été quand il fait un peu chaud. Ah, c'est bien, c'est une Sinon, il y a bonne des chasse. très beaux lacs aussi en Wallonie. Putain, j'ai oublié le nom, mais bref. T'as Diest. C'est pas en Wallonie, ça, c'est en D'accord. Flandre. Non, Diest. je connais pas du tout. D'accord. Coxy, t'as Lac de l'Oder. Voilà, Lac de l'Oder qui est un très très beau lac. Bon, c'est D'accord. interdit de nager là-bas, mais bon, les Bruxellois connaissent. Et c'est des Ok. endroits, je te jure, tu vas là-bas, tu dis, c'est pas possible, je suis au Népal, je suis en Inde, Ah, c'est pas la Belgique. Ben, je te jure que c'est la Belgique, c'est bien, frérot. c'est bien. Une Bah, ouverte, c'est bien c'est d'avoir des petits incroyable. coins comme ça. Bon, ben en tout cas, merci, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et merci pour ces belles histoires et ces réflexions un petit peu sur le stand-up. Ça fait plaisir Merci à de toi, Stéphane. réfléchir un Merci à petit peu. toi de faire Mais avec ça. grand plaisir. J'ai hâte de pouvoir te voir sur scène. On m'a beaucoup vanté, Inch'Allah, frérot. Franchement, c'est pour ça que je Inch'Allah, développe cette situation et Eh bien, que. franchement, j'ai hâte de voir ça parce qu'on m'a beaucoup dit de bien de toi dans l'épisode avec Jimmy Vandal notamment. Et Ok. vraiment, j'ai Big up à Jimmy. un big up à Jimmy. Hein, franchement, Le ça m'avait fait vautour de l'humour, vraiment moi je plaisir. l'appelle. Mais c'est, oui, c'est, je crois que sa page, c'est Jimmy le Vautour ou un truc comme ça. Mais je te demande lui, tu verras, c'est un surnom qu'on lui donnait, moi et David, parce que c'est le vautour de l'humour, quoi. C'est sale, mais qu'est-ce que c'est drôle. On embrasse le vautour de l'humour et tous les rapaces de Yes. l'humour. Il n'y a pas de Bien souci, avec sûr. grand plaisir. Et où est-ce qu'on Merci peut te beaucoup, en retrouver tout du cas, coup sur Stéphane, les pour ce réseaux que tu sociaux? fais. Ben, merci à toi, avec grand, grand Et plaisir. voilà, j'ai écouté un peu ce que tu faisais, c'est cool, franchement. C'est gentil, merci. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Moi c'était web très simple, Theweb avec des chapeaux circonflexes sur les E s'il vous plaît. C'est un prénom et pas un blaze de rap. Donc voilà, tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook. Je suis pas très Twitter, je m'en fous. Et D'accord. donc Chaîne voilà. YouTube peut-être? Pas encore, ça va D'accord. arriver bientôt. Ok, bah avec grand plaisir, on suivra ça. Ça marche. Bah nickel. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.